Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. L'univers a-t-il une forme et si oui, quelle est-elle ? Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et c'est une étonnante question sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, celle de la forme de l'univers, avec une question qui n'est pas intuitive, c'est l'objet même de l'étude. L'univers est-il effectivement lui-même un objet de question ? Alors, Roland Lehoucq, quand cette question, celle de la forme de l'univers, s'est-elle posée et comment est-elle apparue ? Alors la question de la forme de l'univers s'est posée, je pense, dès que les hommes ont tenté de décrire l'univers, de faire des cosmogonies, de décrire sa hiérarchie, ses structures. Alors bien sûr, si on remonte aux civilisations de l'Antiquité, il y a eu tout un tas de propositions faites. La question de la forme de l'univers, en fait, se pose de manière scientifique, on peut dire, disons au début du XXe siècle, quand on commence à avoir des théories, en particulier la théorie d'Einstein, de la gravitation, la relativité générale, capable de parler déjà de sa structure géométrique de l'univers, de savoir l'influence du contenu de l'univers sur le contenant, c'est-à-dire l'univers. La question de la forme de la Terre s'était posée depuis très longtemps dans l'Antiquité, exactement, en tant qu'objet. Hein. Absolument, la question de la forme de la Terre s'est posée aussi de la même façon. La Terre est-elle plate, selon les apparences ? Est-elle d'une autre forme à préciser ? En fait, on sait depuis bien avant notre ère, bien avant zéro, l'an 1 de Jésus-Christ, on sait bien avant cette période-là que la Terre est sphérique et on a eu absolument pas besoin des satellites ou de sortir de la Terre pour se rendre compte de ça. Des mesures menées à la surface de la Terre ont été suffisantes pour déterminer d'une part que la Terre était sphérique et que d'autre part sa taille était d'une certaine valeur, alors qui à l'époque était exprimée dans des unités qui nous sont incompréhensibles maintenant, mais qui donnent quelque chose très proche de la taille qu'on lui donne actuellement. Donc on comprend que la question se pose quand l'univers devient un objet que les scientifiques observent et étudient en essayant de poser des limites. Quelle est la taille de l'univers ? A-t-il des frontières ? Comment est-il constitué ? Voilà, ce problème de forme, il se pose en fait si on se dit l'univers présente une géométrie qui est à trois dimensions l'équivalent de celle du plan, c'est-à-dire la géométrie euclidienne que l'on connaît habituellement, qu'on apprend habituellement en classe et qui a quelques propriétés bien connues. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, la circonférence du cercle c'est 2 multiplié par pi multiplié par son rayon, etc. Donc dans ce cadre de géométrie euclidienne, imaginons un univers infini. Ça pose problème. Parce que comment penser l'infini ? Qu'est-ce qui est à l'origine de quelque chose d'infini ? Ça pose des problèmes de la réalisation en pratique de l'infini. D'autant plus que les instruments que nous utilisons n'observent qu'une partie finie de cet univers. Alors l'alternative, c'est de se dire « Ah, l'univers est fini ». Mais s'il est fini, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit immédiatement ? Une sorte de boîte avec des murs, des frontières. Et alors là se pose immédiatement la question fort difficile et fort délicate de « Qu'y a-t-il au-delà de cette boîte ?» On pourrait imaginer, même en pensée, aller près du mur, et je tends le bras, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est devant deux alternatives qui sont tout aussi embêtantes l'une que l'autre. D'une part, un univers qui serait infini, et qui a posé des problèmes aux philosophes des sciences et aux scientifiques ensuite. Comment penser un univers infini ? Et l'autre, qui est l'univers fini avec un bord, pose aussi problème, parce que qu'y a-t-il derrière ce bord qui est, semble-t-il, très paradoxal ? Donc, ce questionnement de la forme de l'univers revient à se demander... Peut-on échapper à l'alternative de l'univers infini et de l'univers fini avec un bord ? Alors, une question, vous parlez de l'observation de l'univers, c'est-à-dire on regarde loin, quand on regarde loin dans l'espace et on regarde loin dans le temps. On n'a pas la sensation en observant qu'on regarde un mur, que l'on regarde quelque chose qui est une limite. Bien sûr, mais cette limite qu'elle existe et qu'on la voit, ou qu'elle existe et qu'on ne la voit pas, intellectuellement, elle pose le même problème. S'il existe une limite, on peut imaginer aller au bord près de cette limite et qu'est-ce qui se passe quand j'y arrive ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, cette question qui semble insoluble si on la pose comme ça et si on en reste sur ce point de vue-là, en fait, est tout à fait soluble une fois qu'on a compris que les mathématiciens ont trouvé des espaces, alors à deux dimensions, je vous en donnerai quelques exemples, et aussi bien sûr à trois dimensions comme le nôtre, des espaces qui ont la propriété étonnante d'être à la fois de volume fini ou de surface finie s'ils sont à deux dimensions et qui n'ont pas de bord. Autrement dit, vous pouvez dans un espace comme celui-ci aller toujours tout droit et ne jamais rencontrer un obstacle qui vous empêche d'avancer tout en fait en restant à l'intérieur d'un petit univers, d'un petit espace. Dans un espace infini, c'est assez logique. C'est même la définition de l'espace infini, semble-t-il, qui le caractérise, et en réalité, ça ne le caractérise pas suffisamment. Je vais tout droit et je ne rencontre jamais aucune limite à mon déplacement. Une boîte, avec un bord donc, au bout d'un certain temps, j'arrive près du bord, et là, la question paradoxale apparaît. Dans un espace fini sans bord, on peut aller tout droit, sans jamais rencontrer d'obstacles qui vous arrêtent, et pourtant, vous restez toujours à l'intérieur d'un espace fini, d'un volume fini, que si vous ne prenez pas de précautions particulières, vous ne reconnaissez pas que vous êtes en fait, vous avez fait finalement le tour de l'espace. Alors, exemple d'espace fini sans bord, eh bien la surface de la Terre précisément, la surface de la sphère. La surface de la sphère est donc à deux dimensions, comme le plan. Deux nombres suffisent pour spécifier la position d'un point, sa latitude et sa longitude par exemple, comme on pourrait donner deux coordonnées dans le plan habituel. Eh bien, à la surface de la sphère, si vous allez tout droit, vers l'est, en avion, eh bien, vous allez finir par revenir à votre point de départ en arrivant de l'ouest, et en mettant un certain temps, qui est le temps que l'avion fasse le tour de la Terre. Si vous ne prenez pas de précautions particulières, en mettant un drapeau, en mettant quelque chose, une marque à votre point de départ, vous ne vous rendrez même pas compte que vous avez fait un tour de la Terre, et vous pouvez comme ça tourner ad infinitum, en ayant tout à fait l'impression d'évoluer sur une surface dont la géométrie est sphérique, comme une sphère, bien sûr, et en même temps, infini. Donc voilà le genre de choses qui pourraient se produire dans l'univers. On pourrait tout à fait avoir l'impression, l'illusion qu'il est infini. Les rayons de lumière jouent le rôle de l'avion. Là, on ne peut pas se déplacer nous-mêmes dans l'espace, évidemment, en tout cas si peu que c'est tout à fait insignifiant. C'est les rayons de lumière qui vont finalement baliser, arpenter l'univers pour nous. Et de cet arpentage, on peut tirer deux conclusions, semble-t-il, opposées. L'univers est infini, ou en tout cas très grand, ou l'univers est fini, mais se reboucle sur lui-même. Et la question qui se pose maintenant, c'est peut-on distinguer ces deux situations-là ? Que mettre en œuvre pour distinguer ces deux situations-là ? Alors là, il n'y a pas eu de tour de passe-passe, il n'y a pas eu de nouvelle dimension inventée. On n'est pas comme une fourmi sur la Terre qui ne perçoit pas une troisième dimension. C'est simplement des outils de la géométrie donnés par les mathématiques qui permettent de se rendre compte que ce type de structure de l'univers peut exister. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir quand on décrit un espace en mathématiques, on le décrit d'abord et assez spontanément, c'est ce qu'on apprend à l'école. On le décrit par sa géométrie. La géométrie, en gros, c'est quelque chose qui vous dit la façon dont vous allez calculer la distance qui sépare deux points. Vous allez dire, à la surface d'une sphère, il faut que j'applique tel type de formule, à la surface d'un plan, tel type de formule. Alors, à trois dimensions, bien sûr, ça se généralise dans les espaces courbes, et on peut faire ça de manière tout à fait propre, tout à fait agréable, en tout cas pour le calcul. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, indépendamment du problème de la distance qui sépare les points, c'est de savoir, puis-je aller de ce point-ci à ce point-là ? Et si oui, de combien de façons possibles ? Alors évidemment, si vous êtes à la surface d'un plan infini, vous prenez deux points tirés sur ce plan, vous n'avez qu'une seule façon, en gros, d'aller de ce point, du point A au point B, d'un premier point à un deuxième point, en ligne droite du premier au deuxième point. Bien sûr, vous pouvez faire des zigzags, des tours et des tours, mais tous ces chemins en zigzag et qui font des tours sont essentiellement équivalents à aller en ligne droite. On peut déformer ces chemins contournés en un chemin efficace, d'une certaine façon, le chemin en ligne droite. Imaginez maintenant que vous êtes à la surface d'une sphère. Pour aller d'un point à un autre, en ligne droite à la surface de la sphère, ce qu'on appelle les géodésiques, les lignes de plus court chemin à la surface de la sphère, il y a deux façons. Le chemin, par exemple, pour aller de Paris à Marseille, eh bien celui qu'on prend, disons, quand on va en avion, tout droit, en traversant la France. Et puis, il y en a un autre, en partant par le nord, en faisant le tour du côté du pôle nord, en arrivant au pôle sud, et en remontant et en arrivant à Marseille, eh bien, par le sud. Bon, reconnaissons que c'est le chemin par le sud, vers le sud, qui est le plus efficace que le chemin vers le nord, mais ça montre déjà qu'il y a deux possibilités pour joindre deux points donnés de la sphère. Et il y a des espaces où il y a des infinités de possibilités d'aller d'un point à un autre par une géodésique, par un chemin qui est localement le plus court. Donc la géométrie, ça nous intéresse au point de vue de la façon dont s'organisent les choses et dont on peut les positionner les unes par rapport aux autres, donc calculer leur distance. La topologie d'un espace, qui est une façon de décrire l'espace complémentaire de la géométrie, s'intéresse, disons, aux relations logiques entre les points et la topologie. Par exemple, pour prendre un exemple encore plus concret qui me vient à l'esprit à l'instant, si vous regardez le réseau Internet, il y a deux façons de le regarder. La première, c'est la façon topologique, de se dire quel ordinateur est connecté à quel autre ordinateur et par quel chemin logique les paquets d'informations vont transiter pour aller de ce premier ordinateur à ce second ordinateur. Ça, c'est la topologie d'Internet. Et on peut la tracer et faire les liens entre ordinateurs. La géométrie d'Internet, c'est vous dire quelle distance physique y a-t-il entre les deux ordinateurs ? Parce que ça, c'est important. Pourquoi ? Quand vous allez tirer le câble, finalement, les câbles transatlantiques ou les câbles, les réseaux câblés dans les villes, vous allez devoir compter ça au kilomètre de câble. Vous allez payer au kilomètre de câble. Donc, la géométrie va intervenir pour le métrage de câble, la topologie pour la logique de connexion du réseau. Et donc, ces deux aspects complémentaires font que on peut avoir des propriétés géométriques qui sont locales, autrement dit, qui donnent la distance, qui permettent, par exemple, de calculer la distance entre deux points, et des propriétés topologiques qui vous disent ce qui se passe à une échelle globale, à l'échelle de l'ensemble de l'espace que vous décrivez. Et ces deux échelles différentes, le local et le global, se complètent tout à fait. Et les équations qui décrivent l'expansion de l'univers, par exemple, qui sont issues des équations d'Einstein, sont des équations locales et non pas des équations globales. Elles ne donnent rien sur la topologie, sur la forme globale de l'univers. Et cette voie est donc ouverte, cette possibilité intellectuelle d'explorer la forme de l'univers est ouverte par ce point-là. Alors, de quoi, Roland Loïc, va dépendre la forme de l'univers après que vous ayez expliqué que la déformation de l'espace-temps par une galaxie ou un amas de galaxies est une déformation géométrique et donc locale ? La forme globale de l'univers, de quoi dépend-elle ? Alors, on ne sait pas de quoi elle dépend. Pour l'instant, on n'a aucune théorie capable de décrire, j'entends par décrire, des équations, par exemple, qui vous donneraient l'évolution de la forme de l'univers ou la façon dont elle a été choisie, si tant est qu'il en ait une particulière, la façon dont elle est choisie. On n'a aucune équation pour ça, on n'a que des équations locales. Alors, comment les astrophysiciens, à partir des équations d'Einstein, qui sont donc des équations qui donnent la relation entre la géométrie et le contenu en matière et en énergie, comment ces équations arrivent-elles à parler de l'univers globalement ? Par une hypothèse simple, de bon goût à l'époque où elle a été posée et qui maintenant semble validée dans une certaine mesure, l'idée que l'univers est homogène, il est semblable en tout point, et isotrope, il est semblable en toute direction, au moins à partir d'une certaine échelle de taille. Si vous supposez que finalement ce que vous voyez près de vous est identique, n'est pas spécifique, autrement dit est identique un peu partout dans l'univers, et que ce que vous regardez dans une direction, eh bien ça sera la même chose dans une autre direction, ça revient à dire que vous généralisez ce que vous observez localement à l'échelle de tout l'univers. Mais ça ne généralise que les propriétés géométriques. Quant à la topologie, aucune équation ne prédit encore cette affaire-là. Donc on est dans un stade où il faut simplement fouiller parmi l'infinité, c'est le bon qu'on peut employer, je crois, sans me lire, fouiller parmi l'infinité des variétés topologiques que les mathématiciens proposent, que les mathématiciens ont exposées, fouiller parmi cette infinie variété pour trouver lesquels décriraient le mieux ou le moins mal, si on est un peu pessimiste, décriraient le mieux l'univers que l'on observe. On aura peut-être plusieurs solutions. Il se trouve que pour l'instant, nous n'en avons trouvé qu'une et qui n'est pas encore validée dans toutes ses conséquences. Mais il faut fouiller. On est pour l'instant un peu à la pêche dans une démarche un peu descriptive. Alors, en fonction des propositions qui sont faites, hein, en fonction des topologies qui sont présentées, il y a des univers extraordinaires qui peuvent apparaître, des univers en trompe-l'œil pour certains, où un même objet peut apparaître dans différentes directions de l'espace sous des formes différentes. C'est-à-dire que le trajet de la lumière ayant mis plus de temps ou moins de temps à venir de tel ou tel endroit, on peut voir cet objet dans différentes évolutions. On se retrouve avec des univers qui sont des petits palais de Versailles avec des miroirs partout parfois. C'est tout à fait ça, l'image est tout à fait juste. Si on imagine qu'il y a plusieurs chemins que la lumière peut suivre pour aller d'une galaxie à une autre, d'une galaxie à nous par exemple. S'il y a plusieurs chemins, ça veut dire que la lumière les empruntera et que donc cette galaxie, on la verra dans plusieurs directions, puisqu'on la verra une fois par chemin possible. S'il y a une infinité de chemins, on devrait la voir une infinité de fois. En pratique, l'atténuation lumineuse avec la distance, il y a au moins l'effet d'éloignement en distance, parce que ces chemins n'ont pas tous la même longueur. Il peut y avoir des longueurs, il y en a un qui est de plus court, et puis il y a ceux qui sont un peu plus longs, ceux qui font le tour une fois, puis qui font le tour deux fois. Eh bien, ces chemins de différentes longueurs montrent l'objet à différents âges, montrent l'objet à différentes distances spatiales et donc différentes distances temporelles, et on pourrait se demander, finalement, n'y a-t-il pas qu'une seule galaxie dans l'univers, la nôtre, et dont toutes les autres, c'est des images topologiques, où on se verrait nous-mêmes après que la lumière de notre galaxie ait fait une ou plusieurs fois le tour de l'univers. C'est vraiment légitime de se poser ce genre de question. Cette question légitime, elle a même été posée dans les années 70 par un astrophysicien russe. En tout cas, il a cherché à trouver si dans les galaxies qu'on observait dans le ciel, il n'y en avait pas qui pourrait être la nôtre, vue après avoir fait un tour de l'univers. La démarche a totalement échoué, et en plus maintenant on peut montrer que ce n'est pas possible, que ce n'est pas, cette situation-là ne peut pas se produire. Sinon il y aurait d'autres conséquences encore plus évidentes qu'on aurait dû observer. Donc en tout cas la question peut se poser de façon légitime. Il n'y aurait donc qu'une seule galaxie dans l'univers, la nôtre, et puis toutes les autres seraient des images. Bon, cette hypothèse maintenant est montrée rédhibitoirement fausse, mais si on la généralise, on pourrait se dire on observe des millions de galaxies, on estime qu'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers. Il y aurait donc peut-être la possibilité que parmi ces 100 milliards de galaxies, il y en ait peut-être que, je dis un chiffre au hasard, mettons 50 milliards qui soient les vraies galaxies, et les autres ne soient que des images de celles-ci. Des images parce que la lumière de chacune de ces galaxies réelles, prenant, mettons, deux chemins pour nous parvenir, on voit chacune de ces galaxies deux fois. Alors, les travaux que nous avons faits semblent quand même montrer que cette possibilité extrêmement étonnante, que l'univers ne soit qu'une sorte de vaste galerie des glaces, finalement, ou en tout cas dans un principe voisine d'une vaste galerie des glaces, que cette possibilité, en fait, n'est probablement pas réalisée. C'est-à-dire que la taille du petit univers, de cet univers qui se referme sur lui-même, est très certainement plus grande, largement plus grande même que la taille ou la distance qui correspond à la formation de la première ou des premières galaxies. Donc, il semble qu'il n'y ait nullement de chance que l'on puisse voir cet effet par ce moyen-là, entre guillemets, en cherchant si certaines galaxies ne seraient pas des jumelles topologiques d'autres galaxies. Alors, l'autre possibilité, à part d'étudier les galaxies, c'est de s'intéresser à la plus grande structure observable dans l'univers, qui est le fond diffucosmologique. D'utiliser cette structure qui borne l'univers observable, qui d'une certaine façon limite rédhibitoirement notre observation de l'univers, au moins avec les ondes électromagnétiques, et peut-on imaginer trouver dans le fond diffucosmologique des indices d'une topologie particulière, des indices que l'univers se referme sur lui-même et est un volume plus petit que celui que nous observons, que le volume de l'univers observable. Et là encore, il y a des choix qui sont liés aux observations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut toujours des observations pour pouvoir choisir entre les théories. C'est la physique, normalement. Si on veut rester... Pour l'instant, ce dont nous parlons, ça reste un jeu intellectuel extrêmement agréable. Moi, j'y ai beaucoup appris, évidemment. Je m'y suis beaucoup amusé. Il y a des mathématiques superbes, il y a des développements intellectuels et des spéculations intellectuelles qui sont vraiment stupéfiantes. Ça reste un jeu agréable, mais ça reste un jeu si on n'essaie pas, peu ou prou, de se rattacher aux observations. Le premier point que nous avons tenté de nous rattacher, c'est au catalogue de galaxies, au grand catalogue de galaxies. Nous avons montré que ces grands catalogues de galaxies n'étaient pas adaptés aux méthodes que l'on pouvait imaginer, qu'en tout cas que nous avions imaginé de les analyser, d'analyse de ces catalogues pour essayer d'en tirer une information quant à la forme de l'univers. Alors, se rabattant sur le fond diffus, c'est pareil, il faut se rabattre sur quelque chose qui vous permettra peut-être de confirmer votre idée, ou du moins d'aller chercher dans des observations le moyen de valider ou non, c'est ça un peu le jeu scientifique, c'est ça tout l'intérêt de la science, de valider ou non les idées que vous avez. Donc ce travail sur le fond diffucosmologique, il a d'abord fallu imaginer quel genre de traces une éventuelle topologie de l'univers pouvait laisser dans le fond diffucosmologique. Ensuite, il a fallu être capable de faire des simulations de ces traces sur des cartes donc numériques, de sorte que l'on puisse ensuite, sur ces cartes numériques, que l'on maîtrise normalement totalement, tester des méthodes de recherche de ces traces. Parce que c'est bien joli de dire « il y aura cette trace », mais c'est comme l'aiguille dans la botte de foin. L'aiguille est dans la botte de foin. C'est une certitude, c'est déjà un point. Mais où est-elle ? Il faut mettre au point une méthode visant à trouver l'aiguille. Alors on peut y aller à la main, on prend les brins de paille un par un et puis on essaie de voir si on n'a rien passé. On peut trouver après des méthodes mettons mécaniques, on met la botte de paille dans une espèce de machine géante et puis on secoue tout ça et puis une espèce de main mécanique qui filtre et qui récupère l'aiguille. Et puis vous pouvez vous dire, oh mais l'aiguille elle a des propriétés particulières par rapport à la paille. L'aiguille c'est du métal et c'est peut-être du métal ferromagnétique, je vais y aller avec un aimant. Voilà encore une façon, peut-être à la main, mais qui va améliorer vos méthodes. Mais pour ça, il faut avoir déjà des idées sur les propriétés de la paille. Il faut connaître les propriétés de l'aiguille, et puis les comparer. Et puis après, élaborer des méthodes qui vont viser à trouver ce que vous cherchez dans la botte. Donc c'était tout à fait ça qu'il a fallu faire. C'est d'abord imaginer quel genre d'aiguille on pouvait trouver dans cette immense botte de paille qu'est l'univers, et puis ensuite, mettre des méthodes au point visant à trouver éventuellement l'aiguille en question. Existe-t-il en conclusion, Roland Loïc, des observations qui sèment le doute sur la topologie actuelle de l'univers telle qu'elle est imaginée, ou peut-on toujours entendre les observateurs qui utilisent par exemple le Hubble Space Telescope dire « Eh bien, nous avons encore une fois la preuve par l'observation que l'univers est plat, infini et que, je peux dire, dormez tranquille, braves gens, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Alors, il y a deux choses. Dans cette question-là, cette question-là, l'air de rien, est compliquée pour deux raisons. La première, c'est quand les gens disent l'univers est plat, ils s'intéressent à sa géométrie, donc ça sont des mesures tout à fait pertinentes que les gens font, et ils trouvent une certaine valeur, de la courbure de l'univers avec une certaine barre d'erreur. De là à en déduire que l'univers est infini, à mon sens, c'est une faute épistémologique, parce que on ne pourra jamais montrer que l'univers est infini, on pourra juste montrer qu'il est plus grand qu'une taille fixée. Et que cette taille va peut-être augmenter au fil du temps et de la qualité des observations, mais on ne pourra jamais rigoureusement montrer que l'univers est infini. Par contre, on peut montrer qu'il est fini. Ça, c'est une possibilité qui est offerte. Bon, donc ça, c'est déjà un point. Donc, quand on dit qu'il est infini, on devrait plutôt dire qu'il est plus grand que telle taille. Ensuite, sur les indices qui pourraient valider, qui nous ont poussé en fait, à faire une proposition, qui pour l'instant dans un état, on va dire un peu comme le chat Schrödinger, elle est ni morte ni vivante cette proposition, elle est dans un état en discussion, c'est tout simplement dans le fond diffucosmologique, on observe en particulier les fluctuations du fond diffucosmologique, et on observe que ces fluctuations en dessous d'une certaine taille, au-dessus d'une certaine taille angulaire, les fluctuations donc de grande taille angulaire sont absentes, semblent absentes et très absentes par rapport à ce que prédit le modèle, disons, classique, le modèle standard de la cosmologie actuelle. Une absence de fluctuations à très grande taille dans un modèle d'univers qui se referme sur lui-même s'explique naturellement, un peu comme une corde de guitare qui vibre et qui est fixée à ses deux bouts. La longueur d'onde des ondes sonores, des ondes de vibration de la corde de guitare est fixée par ces conditions limites, par le fait que la corde est fixée aux deux bouts. Et cette longueur d'onde, elle est fixée par une propriété qui est la corde ne bouge pas aux deux bouts. Et donc ça donne qu'il faut que la longueur de la corde soit un sous-multiple de la demi-longueur d'onde de vibration. Dans le cas d'un univers qui se referme sur lui-même, les fluctuations du fond diffucosmologique résultent des oscillations du plasma primordial, des ondes sonores qui se propagent dans le plasma primordial. Ces ondes sonores ont des propriétés qui vont être de longueur d'onde, qui vont être fixées par la condition de refermement de l'univers sur lui-même. À tel genre de refermement va être associé tel type de longueur d'onde. Et cette condition-là va, si l'univers a une taille finie, va imposer qu'il y ait une plus grande longueur d'onde possible, qui est en gros la circonférence de l'univers. Et donc le manque de fluctuation du fond diffucosmologique à grande échelle de taille se comprend naturellement dans un univers qui se referme sur lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est l'explication, ça veut dire que ça se comprend naturellement et qu'il n'y a pas besoin d'hypothèses ad hoc pour le comprendre. Ça nous a amené à faire une proposition. Donc voilà ce qui est pour nous l'indice le plus intéressant et le plus fort pour l'instant de ce genre de proposition. Mais en même temps, bon, ces mesures sont entachées d'une certaine erreur, nos modèles font ce qu'ils peuvent, et donc du coup, on n'est pas certain, on ne présente pas ça comme une théorie ultime, loin s'en faut, mais comme une proposition avec des conséquences qui n'ont pas encore été observées, mais qui n'ont été ni validées ni invalidées, avec des conséquences, et en ce sens, une proposition scientifique, elle est explicative, elle est aussi prédictive, elle donne en quelque sorte en germe les moyens de la valider un peu plus ou au contraire de l'invalider. Merci Roland Loïc, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain épisode.